Ils avaient perdu Narcisse. Ils ne se trouvèrent plus que deux, Pierre et le comte, quand ils eurent gagné enfin l'embrasure désirée. L'orchestre, placé sur une petite estrade, au fond, venait de finir la valse, et les danseurs s'étaient remis à marcher lentement, d'un air d'étourdissement ravi, au milieu du flot envahissant de la foule, lorsqu'il se produisit une entrée qui fit tourner les têtes. Donna Séraphine, en toilette de satin cramoisi, comme si elle eût porté les couleurs de son frère le cardinal, arrivait royalement au bras de l'avocat consistorial Morano. Et jamais elle ne s'était serrée davantage d'une taille mince de jeune fille. Jamais sa face dure de vieille demoiselle, coupée de grands plis, à peine adoucie par les cheveux blancs, n'avait exprimé une si têtue et si victorieuse domination. Il y eut un murmure d'approbation discrète, une sorte de soulagement public, car le monde romain avait absolument condamné la conduite indigne de Morano, rompant une liaison de 30 années à laquelle les salons s'étaient habitués, ainsi qu'à un légitime mariage. On parlait d'un caprice inavouable pour une petite bourgeoise, d'un mauvais prétexte de rupture, à la suite d'une querelle survenue au sujet du divorce de Benedetta, alors compromis. La brouille avait duré près de 2 mois, au grand scandale de Rome, où persiste le culte des longues tendresses fidèles. Aussi, la réconciliation touchait-elle tous les cœurs, comme une des plus heureuses conséquences du procès, gagné ce jour-là devant la congrégation du concile. Morano repentant, Donna Serafina reparaissant à son bras dans cette fête. C'était très bien. L'amour vainqueur, les bonnes mœurs sauvées, l'ordre rétabli. Mais il y eut une sensation plus profonde dès que, derrière sa tente, on aperçut Benedetta, qui entrait avec Dario, côte à côte. Le jour même où son mariage venait d'être annulé, cette indifférence tranquille des ordinaires convenances, cette victoire de leur amour avoué, célébré devant tous, apparut d'une audace si jolie, d'une telle bravoure de jeunesse et d'espoir, qu'elle leur fut aussitôt pardonnée, dans une rumeur d'universelle admiration. Comme pour Celia et Attilio, les cœurs volaient à eux, à l'éclat de beauté dont ils rayonnaient, à l'extraordinaire bonheur dont resplendissait leur visage. Dario, encore pâli par sa longue convalescence, était dans sa délicatesse un peu mince, avec ses beaux yeux clairs de grand enfant, sa barbe brune et frisée de jeune dieu, d'une fierté svelte où se retrouvait tout le vieux sang princier des Boccanera. Benedetta, la très blanche sous son casque de cheveux noirs, la très calme, la très sage, avait son beau rire, ce rire si rare chez elle, mais d'une séduction irrésistible, qui la transfigurait, donnait un charme de fleur à sa bouche un peu forte, emplissait d'une clarté de ciel l'infini de ses grands yeux sombres, insondables. Et dans cette enfance qui lui revenait si gaie, si bonne, elle avait eu le délicieux instinct de se mettre en robe blanche, une robe toute unie de jeune fille dont le symbole disait sa virginité, le grand lys pur qu'elle était restée obstinément pour le mari de son choix. Rien de sa chair ne se montrait encore, pas même la discrète échancrure permise sur la gorge. C'était mystère d'amour impénétrable, redoutable, une beauté souveraine de femme dont la toute-puissance dormait là, voilée de blanc. Aucune parure, pas un bijou, ni aux mains, ni aux oreilles. Sur le corsage, rien qu'un collier. mais un collier de reine, le fameux collier de perles des Boccanera, qu'elle tenait de sa mère et que Rome entière connaissait. Des perles d'une grosseur fabuleuse jetées là, à son cou, négligemment, et qui suffisaient, dans sa robe simple, à lui donner la royauté. « Oh !» murmura Pierre extasié. « Qu'elle est heureuse et qu'elle est belle !» Tout de suite, il regretta d'avoir ainsi pensé à voix haute, car il entendit, à son côté, une plainte sourde de fauve, un involontaire grondement qui lui rappela la présence du comte. Celui-ci, d'ailleurs, étouffa ce cri de sa blessure, brusquement rouverte. Et il eut encore la force d'affecter une gaieté brutale. « Fichtre ! Il ne manque pas d'aplomb tous les deux ! J'espère bien qu'on va les marier et les coucher devant nous !» Puis, regrettant cette grossièreté de plaisanterie, où se révoltait la souffrance de son désir inassouvi de mal, il voulut se montrer indifférent. « Elle est vraiment jolie ce soir. Vous savez qu'elle a les plus belles épaules du monde, et que c'est un vrai succès pour elle que de paraître plus belle encore en ne les montrant pas. » Il continua, parvint à causer d'un air détaché, comptant de menus faits sur celle qui s'obstinait à nommer la comtesse. Mais il s'était renfoncé un peu dans l'embrasure, de crainte sans doute qu'on ne remarquât sa pâleur, le tic douloureux qui contractait ses lèvres. Il n'était pas en état de lutter, de se faire voir riant et insolent, à côté de la joie du couple si naïvement affichée. Et il fut heureux du répit que lui donna à ce moment l'arrivée du roi et de la reine. « Ah, voici leur majesté !» s'écria-t-il en se tournant vers la fenêtre. « Voyez donc cette bousculade dans la rue !» En effet, malgré les vitres fermées, un tumulte de foule montait des trottoirs. Et Pierre, ayant regardé, vit dans le reflet des lampes électriques une nappe de têtes humaines envahir la chaussée et se presser autour des carrosses. Déjà, à plusieurs reprises, il avait rencontré le roi pendant ses promenades quotidiennes à la Villa Borghese, venant là comme un modeste particulier, un brave bourgeois, sans garde, sans escorte, n'ayant avec lui, dans sa Victoria, qu'un aide de camp. D'autres fois, il était seul, il conduisait un léger phaéton, accompagné simplement d'un valet de pied en livrée noire. Même une fois, il avait emmené la reine, tous deux assis côte à côte, en bon ménage qui se promène pour son plaisir. Et le monde affairé des rues, les promeneurs des jardins, en les voyant passer ainsi, se contentait de les saluer d'un geste affectueux, sans les importuner d'acclamations, tandis que les plus expansifs se contentaient de s'approcher librement pour leur sourire. Aussi, Pierre, dans l'idée traditionnelle qu'il se faisait des rois, qui se gardent et qui défilent, entourés de toute une pompe militaire, avait-il été singulièrement surpris et touché de la bonhomie aimable de ce ménage royal, s'en allant à sa guise, avec une belle sécurité, au milieu de l'amour souriant de son peuple. D'autres détails sur le Quirinal lui étaient venus de partout. La bonté et la simplicité du roi, son désir de paix, sa passion de la chasse, de la solitude et du grand air, qui avait dû souvent, dans le dégoût du pouvoir, lui faire rêver une vie libre, loin de cette besogne autoritaire de souverain, pour laquelle il ne semblait point fait. Mais surtout la reine était adorée, d'une honnêteté si naturelle et si sereine qu'elle était la seule à ignorer les scandales de Rome. Très cultivée, très affinée, au courant de toutes les littératures, et très heureuse d'être intelligente, supérieure de beaucoup à son entourage, et le sachant et aimant à le faire voir, sans effort, avec une parfaite grâce. Prada qui était resté ainsi que Pierre, le visage contre une vitre de la fenêtre, montra la foule d'un geste. « Maintenant qu'ils ont vu la reine, ils vont aller se coucher contents. Et il n'y a pas là, je vous en réponds, un seul agent de police. Ah, être aimé, être aimé !» Son mal le reprenait. Il se retourna vers la galerie en plaisantant. « Attention, mon cher, il s'agit de ne pas manquer l'entrée de leur majesté. C'est le plus beau de la fête !» Quelques minutes s'écoulèrent et l'orchestre brusquement s'interrompit au milieu d'une polka pour jouer de toute la sonorité de ses cuivres la marche royale. Il y eut une débâcle parmi les danseurs, le milieu de la salle se vida. Le roi et la reine entraient, accompagnés par le prince et par la princesse Buongiovanni, qui était allé les recevoir en bas de l'escalier. Le roi était simplement en frac. La reine avait une robe de satin paille recouverte d'une admirable dentelle blanche. Et sous le diadème de brillants qui saignait ses beaux cheveux blonds, elle gardait un grand air de jeunesse, une face ronde et fraîche, faite d'amabilité, de douceur et d'esprit. La musique jouait toujours, avec une violence d'accueil enthousiaste. Derrière son père et sa mère, Célia avait paru dans le flot des assistants qui suivaient pour voir. Puis étaient venus Attilio, les Sacco, des parents, des personnages officiels. Et, en attendant que la marche royale fût finie, il n'y avait encore, au milieu de la sonorité des instruments et de l'éclat des lampes, que des saluts, des regards, des sourires, pendant que tous les invités, debout, se poussaient, se haussaient le cou tendu, les yeux luisants, un flux montant de têtes et d'épaules étincelantes de pierreries. Enfin, l'orchestre se tut, les présentations eurent lieu. Leur majesté, qui connaissait d'ailleurs Celia, la félicitèrent avec une bonté toute paternelle. Mais Sacco, comme ministre autant que comme père, tenait surtout à présenter son fils, Attilio. Il courba sa souple échine de petit homme, trouva les belles paroles qui convenaient, si bien que ce fut le lieutenant qu'il fit s'incliner devant le roi, tandis qu'il réservait pour la reine l'hommage du beau garçon si passionnément aimé. De nouveau, leurs majestés se montrèrent d'une bienveillance extrême, même pour Madame Sacco, toujours modeste et prudente, qui s'effaçait. Et il se produisit ensuite un fait dont le récit, colporté de salon en salon, allait y soulever des commentaires sans fin. Apercevant Benedetta, que le comte Prada lui avait amenée après son mariage, la reine lui sourit, ayant conçu pour sa beauté et pour son charme une admiration tendre, de sorte que, forcée de s'approcher, la jeune femme eut l'insigne faveur d'une conversation de quelques minutes, accompagnée des plus aimables paroles que toutes les oreilles voisines purent entendre. Certainement, la reine ignorait l'événement du jour, le mariage avec Prada annulé, l'union prochaine avec Dario annoncée publiquement, dans ce gala qui fêtait désormais de doubles fiançailles. Mais l'impression n'en était pas moins produite. On ne parla plus que de ces compliments adressés à Benedetta par la plus vertueuse et la plus intelligente des reines. Et son triomphe en fut accru. Elle en devint plus belle, plus fière, plus victorieuse dans ce bonheur d'être enfin à l'époux choisi qui la faisait rayonner. Alors, ce fut pour Prada une souffrance indicible. Pendant que les souverains continuaient à s'entretenir, la reine avec les dames qui venaient la saluer, le roi avec des officiers, des diplomates, tout un défilé de personnages importants, Prada, lui, ne voyait toujours que Benedetta, félicité, caressée, haussée en pleine tendresse et en pleine gloire. Dario était près d'elle, jouissait, resplendissait avec elle. C'était pour eux que ce bal était donné, pour eux que les lampes étincelaient, que l'orchestre jouait, que toutes les belles femmes de Rome s'étaient dévêtues, la gorge ruisselante de diamants, dans un violent parfum d'amour. C'était pour eux que leur majesté venait d'entrer au son de la marche royale, pour eux que la fête tournait à l'apothéose, pour eux qu'une souveraine adorée souriait, apportait à ses fiançailles le cadeau de sa présence, pareil à la bonne fée des contes bleus, dont la venue assure le bonheur au nouveau-né. Et il y avait, dans cette heure d'extraordinaire éclat, un apogée de chance et d'allégresse, une victoire de cette femme dont il avait eu la beauté à lui, sans la pouvoir posséder, de cet homme qui maintenant allait la lui prendre. Victoire si publique, si étalée, si insultante, qu'il la recevait en plein visage, brûlante comme un soufflet. Puis, ce n'était pas que son orgueil et sa passion qui saignaient ainsi. Il se sentait encore frappé dans sa fortune par le triomphe des Sacco. Était-ce donc vrai que le climat délicieux de Rome devait finir par corrompre les rudes conquérants du Nord pour qu'il eût cette sensation de fatigue et d'épuisement à moitié mangé déjà? Le jour même, à Frascati, avec cette désastreuse histoire de Bâtisse, il avait entendu craquer ses millions, bien qu'il refusât de convenir que ses affaires devenaient mauvaises, comme le bruit en courait. Et ce soir, au milieu de cette fête, il voyait le Midi vaincre, Sacco l'emporter, en homme qui vit à l'aise des curées chaudes, faites goulûment sous le soleil de flamme. Ce Sacco ministre, ce Sacco familier du roi, s'alliant par le mariage de son fils à une des plus nobles familles de l'aristocratie romaine, en passe d'être un jour le maître de Rome et de l'Italie, remuant dès maintenant à pleine main l'argent et le peuple. Quel soufflet encore pour sa vanité d'homme de proie, pour ses appétits toujours voraces de jouisseur, qui se sentait pousser hors de la table avant la fin du festin. Tout croulait, tout lui échappait. Sacco lui volait ses millions, Benedetta lui labourait la chair, laissait en lui cette abominable blessure du désir inassouvi, dont jamais plus il ne devait guérir. À ce moment, Pierre entendit de nouveau cette plainte sourde de fauve, ce grondement involontaire et désespéré qui lui avait déjà bouleversé le cœur. Et il regarda le comte, il lui demanda « Vous souffrez ?» Mais devant cet homme blême, qui gardait un grand calme par un effort surhumain de volonté, il regretta sa question indiscrète, restée d'ailleurs sans réponse. Aussi, pour le mettre à l'aise, continua-t-il en disant tout haut les réflexions que faisait naître en lui le spectacle de la pompe qui se déroulait. « Ah, votre père avait raison. Nous autres Français, avec notre éducation si profondément catholique, même en ces jours de doute universel, nous ne voyons toujours dans Rome que la Rome séculaire des papes, sans presque savoir, sans pouvoir presque comprendre les modifications profondes qui, d'année en année, en font la Rome italienne d'aujourd'hui. Si vous saviez, lorsque je suis arrivé ici, combien le roi, avec son gouvernement, combien ce jeune peuple travaillant à se faire une grande capitale, étaient pour moi des quantités négligeables. Oui, j'écartais cela, je n'en tenais aucun compte, dans mon rêve de ressusciter Rome, une nouvelle Rome chrétienne et évangélique pour le bonheur des peuples. » Il eut un léger rire, prenant en pitié sa candeur. Et, d'un geste, il montrait la galerie, le prince Buongiovanni, en ce moment incliné devant le roi, la princesse écoutant les galanteries de Sacco, l'aristocratie papale abattue, les parvenus d'hier acceptés, le monde noir et le monde blanc mêlés à ce point qu'il n'y avait plus guère là que des sujets à la veille de ne faire qu'un peuple. L'impossible conciliation entre le Quirinal et le Vatican ne s'indiquait-elle pas comme fatale dans les faits, sinon dans les principes, en face de l'évolution quotidienne de ces hommes, de ces femmes en joie, riants et parés que le souffle du désir emportait. Il fallait bien vivre, aimer, être aimé, faire de la vie éternellement. Et le mariage d'Attilio et de Celia allait être le symbole de l'union nécessaire, la jeunesse et l'amour victorieux des vieilles haines, toutes les querelles oubliées dans cette étreinte du beau garçon qui passe et qui emmène à son cou la belle fille conquise, pour que le monde continue. Voyez-les donc, reprit Pierre, sont-ils beaux ces fiancés, et jeunes, et gais, et riants à l'avenir? Je comprends bien que votre roi soit venu ici pour faire plaisir à son ministre, et pour achever de rallier à son trône une des vieilles familles romaines. C'est de la bonne, de la brave et paternelle politique. Mais je veux croire aussi qu'il a compris la touchante signification de ce mariage. La vieille Rome, dans la personne de cette délicieuse enfant, si ingénue, si amoureuse, se donnant à la jeune Italie, à cet enthousiaste et loyal garçon qui porte si crânement l'uniforme. Et que leurs noces soient donc définitives et fécondes, qu'il naisse d'elles le grand pays que je vous souhaite d'être, de toute mon âme, maintenant que j'apprends à vous connaître. Dans l'ébranlement douloureux de son ancien rêve d'une Rome évangélique et universelle, il venait de prononcer ce souhait d'une nouvelle fortune pour l'éternelle cité, avec une si vive, si profonde émotion, que Prada ne put s'empêcher de répondre. « Je vous remercie. Vous faites là un vœu qui est dans le cœur de tout bon Italien. » Mais sa voix s'étrangla. Pendant qu'il regardait Celia et Attilio, qui causaient en se souriant, il venait d'apercevoir Benedetta et Dario, qui les rejoignaient, avec le même sourire d'immense bonheur. Et lorsque les deux couples furent réunis, si éclatants, si triomphants de vie heureuse et superbe, il n'eut plus la force de rester là, de les voir et de souffrir. « J'ai une soif à crever !» dit-il brutalement. « Venez donc au buffet boire quelque chose !» Et il manœuvra pour se glisser derrière la foule, le long des fenêtres, de manière à ne pas être remarqué, en gagnant la porte de la salle des antiques à l'extrémité de la galerie. Comme Pierre le suivait, un flot de monde les sépara, et le prêtre se trouva porté vers les deux couples qui causaient toujours tendrement. Celia, l'ayant reconnue, l'appela d'un petit geste amical. Elle était en extase devant Benedetta, dans son culte ardent de la beauté, joignant devant elle ses petites mains de lys comme elle les joignait devant la Madone. « Oh, monsieur l'abbé, faites-moi ce plaisir. Dites-lui qu'elle est belle. Oh, plus belle que tout ce qu'il y a de plus beau sur la terre, plus belle que le soleil, la lune et les étoiles. Si tu savais, chérie, ça m'en donne un frisson de te voir belle à ce point, belle comme le bonheur, belle comme l'amour. » Benedetta se mit à rire pendant que les deux jeunes gens s'égaya. « Tu es aussi belle que moi, chérie. C'est parce que nous sommes heureuses que nous sommes belles. » Celia répéta doucement. « Oui, oui, heureuse. Te rappelles-tu le soir où tu me disais que ça ne réussissait guère de marier le roi et le pape? Attilio et moi, nous les marions, et nous sommes si heureux pourtant. Mais Dario et moi, nous ne les marions pas, au contraire. » reprit gaiement Benedetta. « Va, va, comme tu me l'as répondu ce même soir, il suffit de s'aimer, et l'on sauve le monde. » Lorsque Pierre put enfin gagner la porte de la salle des antiques où était installé le buffet, il y retrouva Prada debout, cloué là, immobilisé, s'emplissant quand même les yeux de l'atroce spectacle qu'il voulait fuir. Il avait dû se retourner, voir encore. Et ce fut ainsi qu'il assista, le cœur saignant, à la reprise des danses, la première figure d'un quadrille, que l'orchestre jouait avec l'éclat de ses cuivres. Benedetta et Dario, Celia et Attilio se faisaient vis-à-vis. Cela fut si charmant, si adorable, ces deux couples de jeunesse et de joie, dansant dans la clarté blanche, dans le luxe et dans l'odeur d'amour, que le roi et la reine s'approchèrent, s'intéressèrent. Il y eut des bravos d'admiration. Une infinie tendresse s'épandit de tous les cœurs. « Je crève de soif, venez donc !» répéta Prada, qui put enfin s'arracher à sa torture. Il se fit servir un verre de limonade glacée. Il l'avala d'un trait, de l'air goulu d'un fiévreux, qui jamais plus n'apaisera le feu intérieur dont il est brûlé. Cette salle des antiques était une vaste pièce, dallée d'une mosaïque, décorée de stuc, où se trouvait, le long des murs, une célèbre collection de vases, de bas-reliefs, de statues. Les marbres dominaient. Il y avait là pourtant quelques bronzes, entre autres un gladiateur mourant d'une beauté incomparable. Mais la merveille était la fameuse Vénus, un pendant à la Vénus du Capitole, plus fine, plus souple, le bras gauche détendu en un geste de voluptueux abandon. Ce soir-là, un puissant réflecteur électrique jetait sur elle une éblouissante clarté d'astre, et le marbre, dans sa divine et pure nudité, semblait vivre d'une vie surhumaine immortelle. Contre le mur du fond, on avait installé le buffet. Une longue table, recouverte d'une nappe brodée, chargée d'assiettes de fruits, de pâtisseries, de viande froide. Des gerbes de fleurs s'y dressaient, au milieu des bouteilles de champagne, des punchs brûlants et des sorbets glacés. De l'armée des verres, des tasses à thé et des bols à bouillon, toute une richesse de cristaux, de porcelaine, d'argenterie étincelante aux lumières. Et l'innovation heureuse était qu'on avait empli toute une moitié de la salle par des rangées de petites tables, où les invités, au lieu de consommer debout, pouvaient s'asseoir et se faire servir, comme dans un café. Pierre, à une de ces petites tables, aperçut Narcisse, assis près d'une jeune femme. Et Prada s'approcha, en reconnaissant Lisbeth. « Vous voyez que vous me retrouvez en belle compagnie ?» dit galamment l'attaché d'ambassade. « Puisque vous m'aviez perdu, je n'ai rien trouvé de mieux que d'aller offrir mon bras à madame pour l'amener ici. » « Une bonne idée !» dit Lisbeth avec son joli rire. « D'autant plus que j'avais très soif. » Il s'était fait servir du café glacé qu'il buvait lentement à l'aide de petites cuillères de vermeil. « Moi aussi, déclara le comte, je meurs de soif, je ne puis pas me désaltérer. Vous nous invitez, n'est-ce pas, cher monsieur? Ce café-là va peut-être me calmer un peu. Ah, cher ami, que je vous présente donc monsieur l'abbé Froment, un jeune prêtre français des plus distingués. » Tous quatre demeurèrent longtemps assis, causant et s'égayant un peu des invités qui défilaient. Mais Prada restait préoccupé, malgré sa galanterie habituelle pour son ami. Par moments, il l'oubliait, retombait dans sa souffrance. Et ses yeux, quand même, retournaient vers la galerie voisine, d'où lui arrivaient des bruits de musique et de danse. « Eh bien, mon ami, à quoi donc pensez-vous ? » demanda gentiment Lisbeth, en le voyant à un moment si pâle, si perdu. « Êtes-vous indisposé ?» Il ne répondit pas. Il dit tout d'un coup, « Tenez, voyez donc, voilà le vrai couple. Voilà l'amour et le bonheur !» Et il indiquait d'un petit geste la marquise Montefiori, la mère de Dario, et son second mari, ce Jules Laporte, cet ancien sergent de la garde suisse, plus jeune qu'elle de 15 ans, qu'elle avait pêché au Corso, de ses yeux de flamme restés superbes, et dont elle avait fait un marquis Montefiori, triomphalement, pour l'avoir tout à elle. Dans les bals, dans les soirées, elle ne le lâchait pas, le gardait à son bras malgré l'usage, se faisait conduire au buffet par lui, tant elle était heureuse de le montrer, en beau garçon dont elle était fière. Et tous les deux buvaient du champagne, mangeaient les sandwichs, debout. Elle, extraordinaire encore de beauté massive, malgré ses 50 ans passés. Lui, de fière tournure, les moustaches au vent, en aventurier heureux dont la brutalité gaie plaisait aux dames. « Vous savez, reprit le comte plus bas, qu'elle a dû le tirer d'une vilaine aventure. Oui, il plaçait des reliques, il vivotait en faisant le courtage pour les couvents de Belgique et de France. Et il avait lancé toute une affaire de reliques fausses. Des juifs d'ici qui fabriquaient de petits reliquaires anciens avec des débris d'os de mouton. Le tout scellé, signé par les autorités les plus authentiques. On a étouffé cette affaire, dans laquelle 3 prélats se trouvaient également compromis. Ah, l'heureux homme, regardez donc comme elle le dévore des yeux. Et lui, est-il assez grand seigneur, avec sa façon de lui tenir cette assiette où elle mange un blanc de volaille ? Puis, rudement, avec une ironie sourde et âpre, il continua en parlant des amours à Rome. Les femmes y étaient ignorantes, têtues et jalouses. Quand une femme y avait conquis un homme, elle le gardait la vie entière. Il devenait son bien, sa chose, dont elle disposait à toute heure pour son plaisir à elle. Et il citait des liaisons sans fin, celles, entre autres, de Donna Serafina et de Morano, devenues de véritables mariages. Et il raillait ce manque de fantaisie, ce don total et trop lourd, ces baisers qui s'embourgeoisaient, qui ne pouvaient finir, s'ils finissaient, qu'au milieu des catastrophes les plus désagréables. « Mais qu'avez-vous? Qu'avez-vous donc, mon bon ami ?» se récria de nouveau Lisbeth en riant. « C'est très gentil, au contraire, ce que vous nous racontez là. » Lorsqu'on s'aime, il faut bien s'aimer toujours. » Elle était délicieuse, avec ses fins cheveux blonds envolés, sa délicate nudité blonde. Et Narcisse, languissant, les yeux à demi fermés, la compara à une figure de Botticelli qu'il avait vue à Florence. La nuit s'avançait, Pierre était retombé dans sa préoccupation assombrie, lorsqu'il entendit une femme, qui passait, dire qu'on dansait déjà le cotillon. En effet, les cuivres de l'orchestre sonnaient au loin, et il se rappela brusquement le rendez-vous que Monsignor et Nanni lui avaient donné dans le petit salon des glaces. « Vous partez ?» demanda vivement Prada, en voyant que le prêtre saluait Lisbeth. « Non, non, pas encore. » « Ah bon, ne partez pas sans moi. Je veux marcher un peu. Je vous accompagnerai jusque là-bas. N'est-ce pas? Vous me retrouverez ici. » Pierre dut traverser 2 salons, un jaune et un bleu, avant d'arriver tout au bout au petit salon des glaces. Ce dernier était en vérité une merveille, d'un rococo exquis, une rotonde de glace pâlie, que d'admirables bois dorés encadraient. Même au plafond, les glaces continuaient en pans inclinés, de sorte que de toutes parts les images se multipliaient, se mêlaient, se renversaient à l'infini. Par une heureuse discrétion, l'électricité n'y avait pas été mise. 2 candélabres seulement y brûlaient, chargés de bougies roses. Les tentures et le meuble étaient de soie bleue très tendre, et l'impression, en entrant, était d'une douceur, d'un charme sans pareil, comme si l'on était entré chez les fées, reines des sources, au milieu d'un palais d'eau limpide, illuminé jusqu'aux plus lointaines profondeurs par des bouquets d'étoiles. Tout de suite, Pierre aperçut Monsignor et Nanny assis paisiblement sur un canapé bas. Et, comme ce dernier l'avait espéré, il se trouvait absolument seul, le cotillon ayant attiré la foule vers la galerie. Un grand silence régnait. On entendait à peine l'orchestre qui venait mourir là, en un vague petit souffle de flûte. Le prêtre s'excusa de s'être fait attendre. « Non, non, mon cher fils, » dit Monsignor et Nanny, avec son amabilité que rien n'épuisait. « J'étais fort bien dans cet asile. Quand j'ai vu la foule par trop menaçante, je me suis réfugié ici. » Il ne parla pas de leur majesté, mais il laissait entendre qu'il avait évité leur présence, courtoisement. S'il était venu, c'était par grande tendresse pour Celia, et c'était aussi dans un but de très délicate diplomatie, pour que le Vatican ne parût pas rompre tout à fait avec les Buongiovanni, cette ancienne famille si fameuse dans les fastes de la papauté. Sans doute le Vatican ne pouvait signer à ce mariage qui semblait unir la vieille Rome au jeune royaume d'Italie. Mais cependant, il ne voulait pas non plus avoir l'air de disparaître, de se désintéresser, en abandonnant ses plus fidèles serviteurs. « Voyons, mon cher fils, » reprit le prélat, « il s'agit maintenant de vous. Je vous ai dit que si la congrégation de l'index avait conclu à la condamnation de votre livre, la sentence ne serait soumise au Saint-Père et signée par lui qu'après-demain. Vous avez donc toute une journée encore devant vous. » Pierre ne put s'empêcher de l'interrompre avec une vivacité douloureuse. « Hélas, monseigneur, que voulez-vous que je fasse ? J'ai déjà réfléchi. Je ne trouve aucune occasion, aucun moyen de me défendre. Voir sa sainteté. Et comment, maintenant qu'elle est malade ?»« Oh, malade, malade !» murmura Nanny de son air fin. « Sa sainteté va beaucoup mieux, puisque j'ai eu, aujourd'hui même, comme tous les mercredis, l'honneur d'être reçue par elle. Quand elle est fatiguée un peu et qu'on la dit très malade, elle laisse dire. Ça la repose, et ça lui permet de juger autour d'elle certaines ambitions et certaines impatiences. » Mais Pierre était trop bouleversé pour écouter attentivement. Il continua. « Non, c'est fini. Je suis désespérée. Vous m'avez parlé d'un miracle possible, mais je ne crois guère au miracle. Puisque je suis battue à Rome, je repartirai. Je retournerai à Paris où je continuerai la lutte. Oui, mon âme ne peut se résigner. Mon espoir du salut par l'amour ne peut mourir. Et je répondrai par un nouveau livre, et je dirai dans quelle terre neuve doit pousser la religion nouvelle. » Il y eut un silence. Nanny le regardait de ses yeux clairs, où l'intelligence avait la netteté et le tranchant de l'acier. Dans le grand calme, dans l'air lourd et chaud du petit salon, dont les glaces reflétaient les bougies sans nombre, un éclat plus sonore de l'orchestre entra, déroula un lent bercement de valse, puis mourut. « Mon cher fils, la colère est mauvaise. Vous rappelez-vous que, dès votre arrivée, je vous ai promis, lorsque vous auriez vainement tâché d'être reçu par le Saint-Père, de faire à mon tour une tentative. » Et voyant le jeune prêtre s'agiter, « Écoutez-moi, ne vous excitez pas. Sa sainteté, hélas, n'est pas toujours conseillée prudemment. Elle a autour d'elle des personnes dont le dévouement manque parfois de l'intelligence désirable. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai mis en garde contre les démarches inconsidérées. C'est pourquoi j'ai tenu, il y a 3 semaines déjà, à remettre moi-même votre livre à sa sainteté, pour qu'elle daignât y jeter les yeux. Je me doutais bien qu'on l'avait empêchée d'arriver jusqu'à elle. Et voilà ce que j'étais chargée de vous dire. Sa sainteté, qui a eu l'extrême bonté de lire votre livre, désire formellement vous voir. » Un cri de joie et de remerciement jaillit de la gorge de Pierre. « Ah, mon Seigneur ! Ah, mon Seigneur !» Mais Nanny le fit taire vivement, regarda autour d'eux d'un air d'inquiétude extrême, comme s'il eût redouté qu'on pût les entendre. « Chut, chut, c'est un secret ! Sa sainteté désire vous recevoir tout à fait en particulier, sans mettre personne dans la confidence. Écoutez bien, il est 2 heures du matin, n'est-ce pas ? Aujourd'hui même, à 9 heures précises du soir, vous vous présenterez au Vatican, en demandant à toutes les portes Monsieur Squadra. Partout, on vous laissera passer. En haut, Monsieur Squadra vous attendra et vous introduira. Et pas un mot, que pas une âme ne se doute de ces choses. Le bonheur, la reconnaissance de Pierre débordèrent enfin. Il avait saisi les 2 mains douces et grasses du prélat. « Ah, mon Seigneur, comment vous exprimez toute ma gratitude ? Si vous saviez, la nuit et la révolte étaient dans mon âme, depuis que je me sentais le jouet de ces éminences puissantes qui se moquaient de moi. Mais vous me sauvez. Je suis de nouveau sûre de vaincre, puisque je vais pouvoir enfin me jeter aux pieds de sa sainteté, le Père de toute vérité et de toute justice. Il ne peut que m'absoudre, moi qui l'aime, qui l'admire, qui suis convaincue de n'avoir lutté jamais que pour sa politique et ses idées les plus chères. Non, non, c'est impossible, il ne signera pas, il ne condamnera pas mon livre. » Nanny, qui avait dégagé ses mains, tâchait de le calmer d'un geste paternel, tout en gardant son petit sourire de mépris pour une telle dépense inutile d'enthousiasme. Il y parvint, il le supplia de s'éloigner. L'orchestre avait repris au loin. Puis, lorsque le prêtre se retira en le remerciant encore, il lui dit simplement « Mon cher fils, souvenez-vous que seule l'obéissance est grande. » Pierre, qui n'avait plus que l'idée de partir, retrouva presque tout de suite Prada dans la salle des armures. Leur Majesté venait de quitter le bal, en grande cérémonie, accompagnée par les Buongiovanni et les Sacco. La reine avait maternellement embrassé Celia pendant que le roi serrait la main d'Attilio. Honneur d'une bonhomie charmante dont les 2 familles rayonnaient. Mais beaucoup d'invités suivaient l'exemple des souverains, s'en allaient déjà par petits groupes. Et le comte, qui paraissait singulièrement énervé, plus âpre et plus amer, était impatient de partir lui aussi. « Enfin, c'est vous, je vous attendais. Eh bien, filons vite, voulez-vous ? Votre compatriote, Monsieur Narcisse Aber, m'a prié de vous dire que vous ne le cherchiez pas. Il est descendu pour accompagner mon amie Lisbeth jusqu'à sa voiture. Moi, décidément, j'ai besoin d'air. Je veux faire un tour à pied. Je vais aller avec vous jusqu'à la rue Giulia. » Puis, comme tous deux reprenaient leurs vêtements au vestiaire, il ne put s'empêcher de ricaner en ajoutant de sa voix brutale « Je viens de les voir partir tous les 4 ensemble, vos bons amis. Et vous faites bien d'aimer rentrer à pied, car il n'y avait pas de place pour vous dans le carrosse. Cette Donna Serafina, quelle belle effronterie à son âge, de s'être traînée ici avec son Morano pour triompher du retour de l'infidèle. Et les 2 autres, les 2 jeunes. Ah, j'avoue qu'il m'est difficile de parler d'eux tranquillement, car ils ont commis cette nuit, en se montrant de la sorte, une abomination d'une impudence et d'une cruauté rares. ses mains tremblaient. Il murmura encore « bon voyage au jeune homme, puisqu'il part pour Naples. » « Oui, j'ai entendu dire à Célia qu'il partait ce soir, à 6 heures, pour Naples. Eh bien, que mes voeux l'accompagnent. Bon voyage !» Dehors, les deux hommes eurent une sensation délicieuse au sortir de la chaleur étouffante des salles, en entrant dans l'admirable nuit, limpide et froide. C'était une nuit de pleine lune superbe, une de ces nuits de Rome où la ville dort sous le ciel immense dans une clarté élyséenne comme bercée d'un rêve d'infini. Et ils prirent le beau chemin, ils descendirent le Corso, suivirent encore le cours Victor Emmanuel. Prada s'était un peu calmé, mais il restait ironique. Il parlait pour s'étourdir, sans doute, avec une abondance fiévreuse, revenant aux femmes de Rome, à cette fête qu'il avait trouvée splendide et qu'il raillait maintenant. « Oui, elles ont de belles robes, mais qui ne leur vont pas, des robes qu'elles font venir de Paris et qu'elles n'ont pu naturellement essayer. C'est comme leurs bijoux, elles ont encore des diamants et surtout des perles de toute beauté, mais montées si lourdement qu'ils sont affreux en somme. Et si vous saviez leur ignorance, leur frivolité sous leur apparente morgue, tout est chez elles en surface, même la religion. Dessous, il n'y a rien, qu'un vide insondable. Je les regardais au buffet manger à belles dents. Ah, pour ça, elles ont un vigoureux appétit. Remarquez que ce soir, les invités se sont conduits assez bien, on n'a pas trop dévoré. Mais si vous assistiez à un bal de la cour, vous verriez un pillage sans nom, le buffet assiégé, les plats engloutis, une bousculade d'une voracité extraordinaire. » Pierre ne répondait que par des monosyllabes. Il était tout à sa joie débordante, à cette audience du pape qu'il rêvait déjà, la préparant dans ses moindres détails, sans pouvoir se confier à personne. Et les pas des deux hommes sonnaient sur le pavé sec, dans la large rue, déserte et claire, tandis que la lune découpait nettement les ombres noires. Brusquement, Prada se tut. Il était à bout de bravoure bavarde, envahi tout entier et comme paralysé par l'effrayante lutte qui se livrait en lui. À deux reprises déjà, il avait touché dans la poche de son habit le billet écrit au crayon dont il se répétait les 4 lignes. Une légende assure que le figuier de Judas repousse à Frascati, mortel pour quiconque veut un jour être pape. Ne mangez pas les figues empoisonnées, ne les donnez ni à vos gens ni à vos poules. Le billet était bien là, il le sentait. Et s'il avait voulu accompagner Pierre, c'était pour le jeter dans la boîte du palais Boccanera. Il continuait à marcher d'un pas vif, le billet serait dans la boîte avant 10 minutes. Aucune puissance au monde ne pouvait l'empêcher de l'y jeter, puisque sa volonté était arrêtée formellement. Jamais il ne commettrait le crime de laisser empoisonner les gens. Mais il souffrait une torture si abominable. Cette Benedetta et ce Dario venaient de soulever en lui un tel orage de haine jalouse. Il en oubliait Lisbeth, qu'il aimait, et cet enfant, ce petit être de sa chair, dont il était si orgueilleux. Toujours la femme l'avait ravagé d'un désir de mâle conquérant. Il n'avait violemment joui que de celle qui résistait. Et aujourd'hui, il en existait une au monde qu'il avait voulu, qu'il avait acheté en l'épousant et qui s'était refusé ensuite. Cette femme sienne, il ne l'avait pas eue, il ne l'aurait jamais. Pour l'avoir, autrefois, il aurait incendié Rome. Maintenant, il se demandait ce qu'il allait bien faire pour l'empêcher d'être à un autre. Ah, c'était cette pensée qui rouvrait la plaie saignante à son flanc. La pensée de cet autre jouissant de son bien. Comme ils devaient se moquer de lui ensemble. Comme il s'était plu à le ridiculiser en lançant le mensonge de sa prétendue impuissance, dont il se sentait quand même atteint, malgré toutes les preuves qu'il pourrait faire de sa virilité. Sans trop y croire, il les avait accusés d'être amants et maîtresses depuis longtemps, se rejoignant la nuit, n'ayant qu'une alcôve au fond de ce sombre palais Boccanera, dont les histoires d'amour étaient légendaires. À présent, cela certainement allait être, puisqu'ils étaient libres, déliés au moins du lien religieux. Il les voyait côte à côte, sur la même couche. Il évoquait des visions brûlantes, leurs étreintes, leurs baisers, le ravissement de leur délire. Ah non ! Ah non ! C'était impossible ! La terre croulerait plutôt. Puis, comme Pierre et lui quittaient le cours Victor-Emmanuel pour s'engager parmi les anciennes rues, étranglées et tortueuses qui conduisent à la rue Giulia, il se revit jetant le billet dans la boîte du palais. Ensuite, il se disait comment les choses devaient se passer. Le billet dormirait jusqu'au matin dans la boîte. Don Vigilio, le secrétaire, qui, sur l'ordre formel du cardinal, gardait la clé de cette boîte, descendrait de bonne heure, trouverait la lettre, la remettrait à son éminence, laquelle ne permettait pas qu'on n'en décachetât aucune. Et les figues seraient jetées, il n'y aurait plus de crime possible. Le monde noir ferait le silence. Mais, pourtant, si le billet ne se trouvait pas dans la boîte, que se produirait-il? Alors, il admit cette supposition, vit nettement les figues arriver sur la table, au dîner d'une heure, dans leur joli petit panier, si coquettement recouvert de feuilles. Dario était là, comme de coutume, seul avec son oncle, puisqu'il ne partait pour Naples que le soir. L'oncle et le neveu mangeaient-ils l'un et l'autre des figues? Ou bien un seul? Et lequel des deux? Ici, la vision se brouillait. C'était de nouveau le destin en marche. Ce destin qu'il avait rencontré sur la route de Frascati, allant à son but inconnu, sans arrêt possible, au travers des obstacles. Le petit panier de figues allait. Allait toujours à sa besogne nécessaire qu'aucune main au monde n'était assez forte pour empêcher. La rue Giulia s'allongeait sans fin, toute blanche de lune, et Pierre sortit comme d'un rêve devant le palais Boccanera, noir sous le ciel d'argent. 3 heures du matin sonnaient à une église du voisinage. Et il se sentit un petit frisson en entendant près de lui cette plainte douloureuse de fauve blessée à mort, ce sourd grondement involontaire que le comte, dans sa lutte affreuse, venait de laisser échapper de nouveau. Mais tout de suite, il eut un rire qui raillait. Il dit en serrant la main du prêtre, « Non, non, je ne vais pas plus loin. Si l'on me voyait ici à cette heure, on croirait que je suis retombé amoureux de ma femme. » Il alluma un cigare, et il s'en alla, dans la nuit claire, sans se retourner.